Ma chère Samia, oui. Quand a lieu le retour du Jedi? Ah. Je sais pas. Ah. C'est entre le mercredi et le Jedi. Non. Et le vendredi. Le retour d'ail. Il était tout content parce qu'il avait réussi. C'est eh ben non, possible. C'est raté quand même. Il l'a quand même foiré. Ah. Maurice, si t'es revenu pour faire ça, c'est pas la peine. J'ai fait 300 km pour ça. Ah bah oui. Il va vous la faire bien là. Oui, mais les 300 km retour, tu vas les faire plus vite, crois-moi. Bon, alors fais-la bien. Alors, on fera les surprises. Oui. Maurice, une petite blague? Oui, bien sûr. Laquelle, Maurice? Je sais pas, comme vous voulez. Le Star Wars. Le Star Wars. Star Wars. Alors. Ma chère Samia, oui. Quand a lieu le retour du Jedi? Je sais pas. C'est entre le mercredi et le vendredi. Ah, bravo.